Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Passé des modaux 2 Passé des modaux 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Ma fille ne voulait pas jouer au football. Ma fille ne voulait pas jouer au football. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Il ne voulait pas ranger la chambre. Il ne voulait pas ranger la chambre. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. Il ne voulait pas aller au lit. Il ne voulait pas aller au lit. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Il n'avait pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de glace. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Je pouvais me souhaiter quelque chose. Je pouvais me souhaiter quelque chose. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Je pouvais m'acheter une robe. Je pouvais m'acheter une robe. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Je pouvais prendre un praliné. Je pouvais prendre un praliné. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. Ils avaient la permission de veiller tard. Ils avaient la permission de veiller tard.